programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chers auditrices et auditeurs. Eh bien, ce soir Marc, on commence avec une nouveauté norvégienne et c'est la seconde partie de la trilogie que le groupe The Chronicles of Father Robin a planifié de nous présenter. Donc le titre est The Songs and Tales of Eroja, Book 2. Et ce sera la pièce de Ground Reef. Et puis, des États-Unis, du Texas pour être plus précis, on aura un extrait de l'album Communion du groupe Proud Peasant. Et c'est le second extrait que l'on présente de ce troisième album. Et ce sera la pièce A Thousand Cuts. Et puis, Marc, je pense que par la suite, ben, on demeure aux États-Unis. Oui, en effet, et on aura pour vous ce soir un nouvel extrait du nouvel album de Dave Kersner, qui a pour titre Heartland Mines, Volume 1, et on aura pour vous ce soir la pièce To The Eye Reprise, et ce sera suivi d'une formation des Pays-Bas, qui a pour nom Glorious Wolf, et c'est l'œuvre du guitariste-compositeur Ruud Dillon, qui avait débuté sa carrière comme interprète de différents styles musicaux allant de Jimi Hendrix à Marillion. C'est maintenant son troisième album qui est paru cette semaine, qui a pour titre Mysterious Traveler, et on aura pour vous ce soir la pièce Slow Down. Mais tout d'abord, comme vous disait Michel, une nouveauté des pays scandinaves, The Chronicles of Father Robin.

biggest lie that I was ever told was the time he loved blues. I was stuck in my sense of time. I was speechless, breathless, felt worthless. Since darkness, boldness, even for falseness. Floating around like a ball in a bowl, hoping, guessing, screaming, waiting. Like a headless clown, falling, failing, grieving. Wake me seen it before. We had been alerted because no one could predict it. How come no one ever noticed? Who could possibly have seen it before? We had been alerted because no one could predict it. How come no one ever noticed? Doesn't work for me. as I look up to the skies, and I see the show tonight. This is in your life, but you don't know what it can be. something more than a stay today monotony. Is this what you really felt when you told your best friend that you're feeling okay? Wake up Monday to Friday in a job. Saturday nights, when it's pizza and Strictly, and if you're lucky, Match of the Day. Is this what you promised yourself? Is this what you really felt when you told your best friend that you're good? Okay. Is this the dream you dreamt? Is this what you really meant when you told yourself you're doing? Going for gold is the name of the game. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89.1. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du rock progressif avec le retour d'Emerson, Lake & Palmer. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Carl Palmer renoue avec ses anciens comparses par l'entremise de la technologie. Entouré d'écrans géants et de ses musiciens, le batteur replonge dans le riche univers du groupe afin d'interpréter les grands classiques de Knife Edge à Carnival Night. Le 9 novembre, c'est le retour d'Emerson, Lake & Palmer au Palais Montcalm. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain est ravie de vous offrir ses croutons rabais. Cherchez l'autocollant rouge amusant vous indiquant de nombreuses réductions disponibles. Retrouvez nos croutons rabais en succursale et dans l'antidote dès maintenant. N'oubliez pas de profiter de ces offres avantageuses en cette période d'inflation. Il y a toujours un crouton rabais à se mettre sous la dent. Boîteapain.com. Romantique, historique, dramatique, fantastique, science-fic, musique, comédique. J'aime le cinéma. Anatomie d'une chute, la chambre des merveilles. Cinévoyage présente Alberta, naturellement grandiose, Les Délinquants, Les Marvel, L'Océan vu du cœur, Priscilla, Le procès Goldman, Chichita et Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Présentement à l'affiche. Clap.ca CKRL. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura un doublé italien, entre autres, avec la formation Finistère, qui faisait paraître en 2019 un réenregistrement de leur premier album après 25 ans. Donc, l'album a pour titre Finistère 25. Et on aura pour vous la pièce Canto Antico. On aura également de l'Italie Homunculus Res. C'est une formation qui a été fondée à Palerme en 2013. Ils viennent de faire paraître un peu plus tôt cette année leur cinquième album qui a pour titre Echo l'Impero dei Dopicensi. Vraiment excellent, c'est probablement leur meilleur jusqu'à maintenant. C'est une des rares formations italiennes qui est dans le style Canterbury. C'est un album qu'on vous recommande chaudement. Et on aura pour vous ce soir la pièce Fine del Mondo. On aura également de la Finlande, la formation Overhead, tirée de leur plus récent album Telepathic Minds, paru au mois de mars. C'est un album double qui est excellent du début à la fin. On aura pour vous la pièce War to End All Wars. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, on reste dans les pays scandinaves. Oui, on aura un extrait du nouvel album de Lumsk, formation norvégienne qui publiait cette année son quatrième disque après 16 ans d'absence en passant. Et le disque a pour titre Fremede Tune. Et l'album précédent est paru en 2007 sous le titre de Devil de Cour. C'est une des belles surprises de 2023. Un album, encore une fois, qu'on recommande chaudement, donc Fremede Tune, dont on vous présente un extrait à l'instant. Ein Fallchen auf der Wiese stand, gebückt in sich und unbekannt. Es war ein Hassig-Fallchen. Schäferin mit leichtem Schritt und munterem Sinn. Daher, daher, die Wiese her und sang. Ach, denk das Weilchen, wär ich nur die schönste Blume der Natur. Ach, nur das Lippchen abgepflegt und an der Busse matt gedrückt. Ach nur, ein Viertelstündchen lang. This is Alex from Overhead. It has come to my attention that the Terra Incognita radio show has existed for 20 of your Earth years, as calculated by rotations around your proximal star. I am not a robot, and this is not a simulation. Happy birthday. Too far, even star. Thank you. il tuo sudore che bagna la terra, rifiorendo a nuova vita, rivela il canto antico, raccogli il tuo sudore che bagna la terra, rifiorendo a nuova vita, rivela il canto antico, raccogli il tuo sudore che bagna la terra, rifiorendo a nuova vita, rivela il canto antico, raccogli il tuo sudore. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Chez Alimentex, chaque mois est synonyme de bonnes affaires. Notre équipe travaille avec nos fournisseurs pour vous offrir des rabais incroyables. Consultez notre circulaire et suivez-nous sur Facebook pour être au courant des dernières offres spéciales. Alimentex, votre épicerie de quartier à Québec. CKRL 89.1, 50 ans de radio. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. C'est l'émission Terra Incognita qui se poursuit. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation du Royaume-Uni IQ, une formation qui a débuté en 1981 à Southampton, Angleterre. Ils ont 12 albums en carrière, et ce qu'on aura ce soir, c'est un extrait de l'album Frequency, qui est paru en 2009. Et c'était le premier album que la formation a réalisé suite au départ de Martin Orford, leur claviériste original. La formation a fait paraître par la suite The Road of Bones en 2014 et leur plus récent Resistance en 2019. Donc, de l'album Frequency, on aura la pièce Stronger Than Fiction. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on ira avec un excellent guitariste norvégien. Oui, on aura un extrait du premier album solo de Bjørn Riis, guitariste de Airbag. Le disque a pour titre Lullabies in a Car Crash et la pièce qu'on va entendre a elle pour titre Lullaby in a Car Crash. Et on y va avec un extrait donc de ce premier album solo paru en 2014. Thank you. Don't be afraid. Lay down and rest your head. It's over now, so don't look back. Stay with me. much. It's not enough. Thank you. L'émission ce soir, mais on a choisi un extrait de La Maschera di Cera, le premier album de La Maschera di Cera, et c'est la pièce La Tua Gente en version raccourcie, telle qu'offerte là, en tant que bonus track là, pour la réédition. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, et restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants.